scientifique actuel dont l'influence est de plus en plus grande sur notre existence. Voici réalisé par Paul Castan, Inter, l'émission de Paul Sarrez, Actualité. Le progrès et la vie. Rendez-vous à 5. Les années 60, une émission de Philippe Garbi et Virginie Mourtet. Les années 60, une émission de Philippe Garbi et Virginie Mourtet. Aujourd'hui, 1968, troisième émission. De même que 1968, pas le millésime, mais l'esprit, 68 art, n'a pas pris fin le 31 décembre 1968 à minuit, les acteurs des événements de 68, parfois en parallèle, parfois en complicité, parfois en opposition, n'ont pas surgi ex nihilo le 1er janvier de cette année-là. On s'en doute, certes. Les acteurs très engagés, ou comme d'autres dans les revendications, aux États-Unis ou ailleurs, ne consistent pas, en définitive, à changer le monde du jour au lendemain. Au micro d'André Bourin, Michel Lancelot, qui venait de publier « Je veux regarder Dieu en face », répondait pour commencer à la question « Qu'entend-on par le mot hippie ?» Eh bien hippie, les origines, il y en a deux. En fait, c'est ce qui arrive très souvent lorsqu'un mot devient très très courant, très, très presque galvaudé, on ne sait plus très bien d'où il vient. Il y a deux origines possibles à ce mot. La première, hippie serait une déformation du mot américain hipsters. Les hipsters étaient des jeunes écrivains, des jeunes poètes de la génération beatnik, c'est-à-dire des années 50, et qui avaient pris pour chef de file Norman Mailer, vous savez, l'auteur des Nuits et des Morts. L'autre origine du mot serait alors hip, ça viendrait de hip, qui est lui-même une déformation de hep, c'est-à-dire une interjection joyeuse de la langue américaine. Comme voilà. Toujours, dans l'origine des mots, on reste que incertain. Exactement. Donc, en tous les cas, cela, ça précise déjà un peu le problème. Et vous parlez tout de suite de l'Amérique. Vous parlez tout de suite des États-Unis, car nous avons bien quelques hippies en France, mais je crois que vous ne les prenez pas très au sérieux. Bien non, je ne peux pas les prendre très au sérieux. Je crois qu'on ne peut pas, pour l'instant du moins, les prendre très au sérieux. Il est possible qu'il y en ait quelques-uns parmi eux qui soient très bien, très, en fait, qui aient des grandes intentions profondes. Mais ce n'est pas possible parce que le phénomène hippie au départ et encore maintenant, même en Angleterre, enfin, c'est un phénomène spécifiquement américain. Il répond à une crise morale que connaît actuellement cet immense pays. Crise morale, j'entends par crise morale, c'est-à-dire crise politique, intérieure, extérieure, crise proche, très proche sans doute financière, crise morale proprement enfin, de la société et crise... toutes les crises possibles, elles les traversent toutes en même temps. Je crois que c'est une chose qui, dans l'histoire des États-Unis, ne s'était pas produite depuis 1929, juste avant le crack, le fameux crack boursier, où vraiment toute une société a manqué de s'effondrer. Eh bien là, le phénomène hippie est né donc à un moment précis. Et il n'est pas né au hasard. S'il est né en 1965... Pourquoi en 1965 ? Bien justement, parce qu'il était l'aboutissement d'une longue marche, de la longue démarche d'une certaine jeunesse américaine, et il correspond exactement à la période de crise. C'est-à-dire, j'entends par là que lorsque Kennedy, dans les années 62, un an avant sa mort, a vraiment libéré la jeunesse américaine de certains tabous, en lui disant, il faut maintenant ouvrir les yeux, vous devez être des citoyens du monde, vous n'êtes plus simplement des citoyens américains. Voilà, c'était sa grande expression, les citoyens du monde, vous vous souvenez. Et la mort de Kennedy avait d'ailleurs frappé énormément la jeunesse américaine. Puis il s'est passé dans les universités américaines des tas de choses. Il est arrivé qu'un homme qui s'appelle Aldous Huxley, que tout le monde connaît notamment par un de ses grands romans, enfin Le meilleur des mondes, mais qui a surtout été à la fin de sa vie, enfin après 1939, époque à laquelle il avait émigré aux États-Unis en Californie, était devenu vraiment avec des tendances philosophiques et mystiques très très grandes. Ses derniers livres en marquaient l'empreinte. Et cet homme assez âgé a brusquement pris conscience de ce qui allait se passer peut-être dans le monde et a voulu sauver une jeune. Il s'est senti une mission. Et il a commencé à parler, cet Aldous Huxley. Il a commencé à parler, comme c'était un homme très honoré et quand même un grand bonhomme, on l'a écouté. Il a commencé à parler dans toutes les universités en appelant non pas les jeunes à la révolte, ce n'était pas cela qu'il voulait faire, mais en leur demandant de descendre au fond du puits pour chercher la vérité, oui, même si l'eau était un peu boueuse. Une prise de conscience. Une prise de conscience, prise de voilà. Conscience. Et il leur demandait, dans deux autres de ses livres, de mieux se connaître eux-mêmes. C'était très important pour lui. Il se disait, on ne peut pas dire, il y a un grand problème actuel qui est la surpopulation dans le monde, mais vous ne pourrez pas, vous les jeunes occidentaux, si vous voulez réaliser la grandiose harmonie de toutes les races humaines, vous ne pourrez pas la réaliser sans vous connaître vous-même très très très bien. Et alors les jeunes sont partis sur cette voie. Il y a eu donc, de 1963 à 1965, un grand mouvement estudiantin qui a eu lieu à Harvard, Princeton, Berkeley. Et brusquement, le mouvement, en 1965, a légèrement muté, a légèrement évolué et a pris la couleur hippie. Voilà. C'est cela. Et en somme, que veulent les hippies ? Les hippies, eh bien, ils veulent énormément de choses. Car ils vous l'ont dit, puisque vous êtes allé les voir. Vous avez, vous avez fait une enquête, vous avez vécu avec eux. J'ai vécu avec eux, oui. Ils veulent des tas de choses. Cela dit, je voudrais dire avant tout, on peut penser, quand on a lu beaucoup de choses sur les hippies, on a lu d'ailleurs beaucoup de choses fausses, beaucoup plus de fausses que de vraies, mais on peut penser que les hippies sont de grands naïfs et de grands utopistes, car évidemment, c'est la première pensée, on se dit, bon, c'est très bien, ils sont gentils, mais enfin, tout ça, c'est de l'utopie, ça n'est pas possible. Bien. Il ne faut pas croire cela. Ou il y a une erreur psychologique, c'est que les hippies n'ont jamais prétendu changer le monde du jour au lendemain, et le... Ils voulaient simplement non plus détruire ce qu'il y avait avant, non plus détruire l'univers de leurs aînés, mais ils disaient à leurs aînés, à leurs pères, à leurs parents, ils leur disaient, votre univers, avec vos idéologies politiques, vos substituts religieux, etc., enfin, tout votre univers ne nous intéresse plus. Il est vide de toute métaphysique, de tout ésotérisme. Vous êtes des matérialistes aussi bien dans la politique que dans la religion. Nous n'avons pas l'intention de brûler vos églises ni de renverser vos temples, mais nous allons vivre à côté et nous allons vous montrer, ce qu'il faut faire, ce que de jeunes Américains peuvent faire au XXe siècle, malgré le dieu dollar, malgré la puissance, malgré les tas de choses. Et ils ont fait cela. Ils y sont parvenus, puisque le monde entier a pris conscience et connaissance de ce phénomène qui a vraiment fait le tour de la planète. Combien sont-ils à peu près aux États-Unis ? Bien, ils sont... Il y a eu un schisme, ça je crois qu'il faut le dire. Il y a eu un schisme en octobre 67. Déjà ? Oui, il y a eu un schisme qui est d'ailleurs un peu prévisible. C'est que certains hippies ont cru que l'exemple ne suffirait pas et sont retournés à de vieilles idéologies, surtout des idéologies de gauche. Ils sont devenus très néo-marxistes. Et alors les autres, les vrais hippies, qui sont restés comme à la première heure, je les appelle les hippies mystiques, eh bien, eux se sont retirés dans les montagnes, dans les déserts, dans les forêts. Alors, combien sont-ils en tout maintenant ? C'est difficile à délimiter parce que d'abord, ils ne portent plus toujours des chemises à fleurs ni des petits colliers autour du cou, comme au début. On peut dire que si on compte ceux qui... Enfin, la partie idéologie politique, enfin, c'est ce groupe engagé politiquement à gauche aux États-Unis, ils se sont confondus avec ce qu'on appelle la New Left, c'est-à-dire la nouvelle gauche américaine. Ils doivent être au moins 2 millions, ce qui commence à prendre des proportions. Oui, c'est déjà très important. Très important. Quant aux hippies mystiques de la première heure, qui n'ont pas voulu tomber dans le piège des idéologies politiques, eh bien, ils sont, disons, une centaine de mille. Mais est-ce que les uns ne vont pas écraser les autres ? Non, parce que les autres sont prêts à s'engager. Après l'assassinat de Martin Luther King, par exemple, les nouveaux hippies, ce qu'on appelle les freebies, ces fameux freebies, et qui, eux, sont à gauche, donc, sont bien décidés cet été à descendre dans la rue. Et je crois qu'il va y avoir un été très, très chaud aux États-Unis, c'est vraisemblable. Tandis que les autres hippies continuent leur vie à l'écart, symbolique, exemplaire et contemplative. Vous avez vu les uns et les autres ? Oui, j'ai vu les uns et les autres. Je dois vous avouer, personnellement, que j'ai beaucoup plus de sympathie pour les hippies mystiques que pour les hippies, les freebies, qui sont retombés dans les... J'appelle ça les pièges, parce qu'incontestablement, ce sont des pièges. Car ils seront... ils ne peuvent pas gagner. Aux États-Unis, on ne peut pas gagner cette partie-là, pour l'instant, en tout cas. Ils vont tomber dans le piège, ils seront broyés. Ils se compromettent en même temps. Exactement. Oui. C'est ça qui est dramatique. C'était merveilleux. C'était ces jeunes qui avaient réussi par une sorte de pureté, une chose très nouvelle, à ne pas être écrasés par la grande machine de la société. Parce que les gens disaient, pourquoi les écraser ? Ils ne veulent pas nous détruire, ils ne nous attaquent pas. Alors que les autres, les freebies, attaquent la société américaine dans ses fondements les plus chers. Il y a un problème qui se pose à propos d'eux, c'est celui de la drogue. Et c'est là-dessus qu'on les attaque, surtout. Bien sûr, alors ça, c'est le grand problème. On ne peut pas en parler trop longuement, parce que c'est très très compliqué. Il faut dire certaines choses, très vite. Il faut dire d'abord que les drogues hallucinogènes sont des drogues qui n'ont absolument rien à voir avec les drogues que l'on connaît habituellement, comme l'opium, la cocaïne, l'héroïne, etc. Il n'y a pas d'accoutumance. C'est un premier point. Deuxièmement, les hippies ont pris de la drogue, c'est ce que n'ont pas compris les hippies français, ont pris de la drogue à des fins, disons, mystiques, à des fins de connaissance intérieure. Ils voulaient une révélation brutale de leur, au-delà de la dissolution de l'ego, de leur véritable personnalité. Et c'est pour cela qu'ils ont pris de la drogue, pas pour d'autres raisons. Maintenant, la drogue, évidemment, c'est le grand problème. Tout à l'heure, nous en avions parlé très vaguement, mais je crois qu'il faut le dire parce que c'est à la fois pas amusant, parce que ce n'est pas une histoire drôle, mais c'est quand même très troublant. Les jeunes hippies, et ça c'est un savant américain qui l'a constaté aux États-Unis, qui s'appelle Osmond, qui est un grand spécialiste, les jeunes hippies qui ont pris de la drogue à des fins mystiques, à des fins sérieuses, avec un cérémonial, une préparation, avec des lectures préparatoires, eh bien, il n'y a jamais eu d'accident. Je parle d'accident psychiatrique, voyez, etc. Au contraire, ceux qui par la suite, ayant mal compris les données premières d'Huxley, de Timothy Leary, etc., ont pris de la drogue for kicks, que ce qu'on est en Amérique, c'est-à-dire pour le plaisir, simplement pour être bien. En amateur. Ça. En amateur, si vous voulez. Eh bien là, c'est très curieux, on a l'impression que la drogue se venge, et là, il y a eu des accidents terribles. Et les jeunes, des centaines de jeunes se sont retrouvés dans les hôpitaux psychiatriques de Washington ou de Californie. Donc on ne s'improvise pas, hippie, il faut apprendre à le devenir. Oui, il faut apprendre, et je crois si on prend le mot hippie... que moi je l'aime, c'est-à-dire hippie mystique, etc., je crois que c'est vraiment, c'est une élite. Je crois que n'importe qui ne peut pas l'être, comme n'importe qui, contrairement à ce que pensent certaines gens, je crois que prendre de la drogue, c'est très dangereux, parce que ça correspond peut-être à certains êtres, mais à une très infime minorité qui sont assez forts et assez grands pour pouvoir l'exploiter intérieurement. Mais les autres craquent, et ça, je crois qu'il faut le dire. Mais c'est quand même une aventure assez extraordinaire. Eh bien, je rappelle le titre du livre de Michel Lancelot, Je veux regarder Dieu en face, le phénomène hippie. Le livre vient de paraître chez Albin Michel. Dans une ou deux gares parisiennes que nous allons nous installer dans quelques instants. Gares d'où partent des trains. Gares dans lesquelles arrivent des trains. Nous ne sommes, rappelons-le, que début 1968. Ce ne sont pas les trains qui nous intéresseront, mais les voyageurs en attente de trains. Avant de suivre ce reportage immobile, en quelque sorte, mais où la parole est tour à tour anecdotique, forte, futile et tragique, et de toute manière instructive, retournons à Nanterre, où nous nous trouvions lors d'un précédent rendez-vous. Nanterre, l'une des universités nouvelles de la région parisienne. Recherche de notre temps. Recherche de notre temps, les universités nouvelles. Une suite d'émissions composées par Colette Garrigue avec la collaboration de Claude Frère. Ce soir, dernière partie, Nanterre. Un peu partout dans le monde en ce moment, les étudiants font parler d'eux. À Madrid et à Rome, à Louvain et à Alger, aux États-Unis et en Allemagne, en Pologne aussi. S'il est des cas où les étudiants agissent dangereusement pour défendre des libertés essentielles, il en est d'autres où la contestation étudiante vise l'organisation et la structure même de l'université et par-delà le fonctionnement de la société dans son ensemble. Un dialogue sérieux, nous l'avons constaté au cours de l'émission précédente, peut s'engager. La faculté de Nanterre en a été le centre principal en France ces derniers mois. S'agit-il de désordre ou d'agitation, comme on a bien voulu le dire, ou au contraire de la naissance d'un mouvement étudiant, et plus précisément d'un fait nouveau, la contestation politique du système universitaire lui-même? Un groupe d'étudiants résidents à Nanterre nous a parlé de ces problèmes. Alors le problème ici, c'est le problème de la solitude pour la plupart, parce qu'on est isolé à la fois du monde extérieur et à la fois de véritables contacts entre étudiants. On n'arrive pas à faire ici un groupe qui ait une cohésion. C'est-à-dire qu'on est éparpillé vers Paris, vers des familles, vers une spécialisation à la faculté. Et en fait, c'est très difficile de trouver un moyen de communiquer. Parce que, en fait, on n'est pas du tout intégré au problème de la vie actuelle. On nous met tout à fait en dehors. Dans le campus, autour de nous, il n'y a pas de vie véritablement sociale. À la faculté, parce qu'on y va comme on va au restaurant universitaire, comme on va dans les bibliothèques, on va prendre un repas, on retourne chez nous, on va suivre un cours. En fait, le cours ne nous paraît pas toujours, comme c'est spécialisé, ça ne nous intègre pas plus dans les problèmes actuels. Alors, ce qui fait qu'on reste absolument seul. Je crois que c'est le principal problème. Si on fait des revendications, par exemple la libre circulation, c'est un signe de ce fait. C'est-à-dire qu'on essaye de se retrouver, de se regrouper, d'être adulte. En fait, le fait de revendiquer d'être adulte, ça ne veut pas dire que on nous met pas dans cette situation. Et on sent qu'on n'est pas dans cette situation. Si on le revendique, c'est parce qu'on voudrait l'être, mais qu'on ne peut pas l'être, en fait. Je pense qu'il n'y a pas seulement le problème de la solitude en tant qu'étudiant, il y a aussi le problème que Nanterre est isolée, et de Paris et de Nanterre, et qu'à l'intérieur, ce que tu as dit tout à l'heure, il n'y a pas de vie vraiment urbaine, enfin, il n'y a pas de vie sociale. Alors ce qu'il faudrait, c'est créer un vrai campus américain, c'est-à-dire un endroit où les profs vivent, où tout le monde habite et vit ensemble, et où il y a des magasins, où il y a des salles de spectacle, enfin, où c'est vraiment une petite ville, une petite communauté. En fait, Nanterre, c'est simplement un ghetto, c'est-à-dire quelque chose qui est isolé, qui est retranché du monde extérieur. Oui, on emploie beaucoup cette expression de ghetto à propos de ces campus. C'est un endroit où on est parqué. Enfin, on n'a pas le sentiment d'être parqué, mais on est parqué. C'est ça. Et les nouvelles mesures qui viennent d'être prises, enfin, en ce qui concerne la libre circulation dans les résidences, est-ce que ça ne va pas lever un peu cette solitude dont vous vous plaignez? Oui, ça a amené des contacts, beaucoup plus de contacts entre les résidents, et peut-être une espèce de solidarité, oui, sans doute. Quel était le régime avant et quel est-il maintenant? Est-ce que vous pourriez nous le rappeler? Avant, le régime était différent selon les facultés. À Nanterre, les filles avaient le droit d'aller chez n'importe quel garçon, et les garçons n'avaient pas le droit d'aller chez les filles, sauf dans les foyers communs. C'est tout. Mais il y a d'autres facultés où le règlement était appliqué plus à la lettre, parce qu'en fait, il n'était appliqué vraiment à la lettre, je crois pas, dans beaucoup d'endroits. Alors, appliquer le règlement à la lettre, c'est autoriser des visites pour certaines heures chez les garçons, pas du tout chez les filles. Et puis, en gros, c'est ça. Et alors, du point de vue des relations avec les enseignants, par exemple, vous avez évoqué la possibilité de vie commune sur le campus où les enseignants et les étudiants seraient ensemble et auraient un autre style de rapport. Est-ce que vous arrivez, dans les cadres de cette université, à obtenir, justement, du corps enseignant, un autre style de rapport, que ce ne soit pas simplement le cours qui est lancé, plus ou moins digéré? Les professeurs, les jeunes, essayent. Les jeunes assistants qui sont agrégés depuis 2 ou 3 ans essayent de se mettre à ce nouveau style de rapport. Mais les professeurs d'un certain âge, ça leur est très difficile pour eux. Le professeur est encore l'homme qui est sur sa chaire, qui fait son cours, qui n'a que des rapports très, très lointains avec l'élève. Et c'est très difficile. Bien sûr, on a encore relativement de la chance en lettres, parce que quand on voit le genre de rapport qui s'établit entre les élèves de droit et le professeur qui est sur sa chaire et qui en plus a le costume rituel, on est encore assez privilégié. Mais il y a encore des progrès énormes à faire. Quand on voit aux États-Unis où les élèves et les étudiants se réunissent, le prof est assis par terre, les élèves sont assis autour et le cours se fait, il est certain qu'il y a des rapports tout à fait différents qui doivent s'établir et que la compréhension se fait beaucoup, beaucoup mieux. Et vous souhaitez de telles relations avec les professeurs? Mais c'est certain. c'est à la fois normal et nécessaire. Moi, je pense que ça demande de la part des professeurs un certain esprit de révolution, puisqu'en France, l'esprit n'est pas du tout justement au campus américain. L'esprit est encore à la vieille Sorbonne, où le professeur vient faire son cours du haut de sa chaire, un cours qui est en général jamais très intéressant. C'est vrai, c'est la vie de tous en général. Mais je croyais que tout de même qu'ici, au départ, il y avait eu des tentatives de ce genre, qu'enfin, il y avait eu une équipe de professeurs qui souhaitaient tout à fait établir ce style de relation et qu'il avait en tout cas tenté. C'était pas encore assez révolutionnaire. Alors, du point de vue des études, des cours, des examens, enfin, est-ce qu'il y a des problèmes particuliers qui vous semblent aigus? Enfin, cette année, il y a eu un problème d'inscription, enfin, qui, je crois, a été déjà difficile. Le problème de la réforme, tout simplement. Tout le problème de la réforme, et alors là, c'est une émission entière qu'il faudrait passer sur le problème de la réforme. Non, on s'est fait magistralement avoir au début de l'année, tout le monde a perdu un an. On a fait une grève, malheureusement, ça n'a pas donné grand-chose. D'ailleurs, ça ne pouvait pas donner grand-chose, parce qu'en cours d'année, on ne pouvait manifestement pas revenir en arrière. Alors, on a perdu un an. Ça a été politisé. Normalement, la grève était faite par les étudiants, puis en fait, ça a tout de suite pris une allure politique, etc. Ce qui fait que la moitié des étudiants qui étaient apolitiques, justement, par eux-mêmes, se sont tout de suite retirés. Oui, beaucoup ont eu l'impression que l'UNEF était montée en marche dans le train de la grève. Ça avait peut-être un avantage, parce que ça donnait le poids de l'UNEF du côté des étudiants, mais ça avait aussi le gros inconvénient de la part du pouvoir de dire, bon, écoutez, vous voyez, la grève est politique, elle n'est plus étudiantine, uniquement étudiantine, alors tant pis. Mais de toute façon, on ne pouvait rien faire. Quand en droit, on a changé les régimes, on les a changés progressivement, de façon à léser le moins de personnes possible. Alors que là, bah, ça s'est fait d'une année. Moi, j'avais qu'un certificat. Bah, j'espère un an. Que vous semble alors l'enseignement qu'on vous donne ces temps-ci, cette année, à Nanterre, dans vos cours? On a l'impression que c'est un enseignement vraiment très général et qui ne nous apporte pas grand-chose parce qu'il n'a pas vraiment de base concrète et surtout de base vécue. On a l'impression que vraiment tout ça, c'est mort. Et je crois qu'il vaudrait beaucoup mieux qu'un professeur qui fait des recherches nous en parle, nous dise, enfin moi puisque je fais de la psychologie, ce qu'est la psychologie actuellement, en ce moment, plutôt que de débattre de la psychologie à ses débuts, au début du siècle. Enfin, c'est ça, on peut le trouver dans n'importe quel livre, n'importe quel dictionnaire de psychologie. Finalement, c'est toutes les études, on arrive à la fin de cette licence, et quand on se présente pour faire un stage, on nous dit « mais qu'est-ce que vous savez faire ?» Et on a des idées bien théoriques, mais comment les problèmes psychologiques en 1968 se posent, ça on ne sait pas, parce que les professeurs en fait ne nous en ont jamais parlé, et je crois que ce serait beaucoup plus vivant de voir enfin comment ils abordent une recherche, comment ils sautent les obstacles, ou bien, enfin je crois que ça nous apporterait beaucoup plus. Et alors, bien sûr on a besoin de connaissances théoriques, mais ça peut-être qu'il faudrait le faire dans les travaux pratiques, plutôt qu'en cours, mais en cours, que ce soit vraiment une création du professeur, son cours. Enfin, que vraiment il s'y donne. Alors que de nous donner des idées générales sur la psychologie, il ne se donne absolument pas. On a l'impression qu'il s'ennuie. Et nous aussi, d'ailleurs. En somme, ce que vous souhaitez aussi, c'est une formation professionnelle. Par exemple, des travaux concrets, des visites d'hôpitaux ou d'enfants, enfin, en ce qui concerne la psychologie, par exemple, pas simplement un enseignement théorique. Ah oui, je crois que ça... Dans tous les départements, je crois que vraiment tous les étudiants aimeraient que les études, ce soit pas quelque chose d'étiolant, mais que ce soit quelque chose vraiment d'épanouissant et que ça repose vraiment sur des bases vécues. Je crois que c'est quelque chose de très important. Mais ce dialogue que vous souhaitez entreprendre avec les professeurs, enfin cet enseignement que vous souhaitez voir modifié, il semble quand même que vous l'attendiez un peu d'une façon passive. Je veux dire, pourquoi, enfin, ne vous avancez-vous pas vers les professeurs? C'est peut-être facile à dire comme ça derrière un micro, mais pour solliciter ça d'eux, enfin, beaucoup plus vigoureusement, semble-t-il. C'est un problème, effectivement, parce qu'on parle beaucoup des rapports entre les professeurs et les étudiants, mais je crois que les professeurs, du moins ceux que je connais, souhaitent justement ce dialogue. Mais il est évident que, si vous voulez, il y a une espèce de situation dans laquelle on se sent quand même inférieur, enfin, aller trouver... je ne sais pas, je vais citer des personnes, mais enfin, des gens importants, on se sent quand même un petit peu inférieur, si vous voulez, dans la mesure où ce n'est pas justement quelque chose, ce sera quand même une entreprise extraordinaire. Il faut vraiment se donner beaucoup de mal pour dire, bon, ben, telle partie m'intéresse, je vais essayer d'approfondir cette question, essayer d'en débattre avec un professeur. Il ne demandera pas mieux, mais si vous voulez, c'est tout de même... d'abord, on ne peut pas le faire tout de suite, dans la mesure où on n'a pas les éléments pour le faire. Or, je crois que on peut pas faire de la recherche bêtement. Enfin, il s'agit pas d'entreprendre pour entreprendre. Il faut que ça débouche sur un travail concret. Enfin, je veux dire que on sonne un thème de recherche qui soit pas n'importe quoi. Vous disiez tout à l'heure que vous vous sentiez en position d'infériorité par rapport au professeur qui détient le savoir, bien sûr, et à vous qui avez à l'apprendre. Mais si vous étiez tout de même un groupe pour définir les questions qui vous intéressent, si ces questions qui vous intéressent, vous les creusez déjà un peu, pour savoir de quelle façon vous souhaitez qu'on étudie ces problèmes. Est-ce que vous ne croyez pas à ce moment-là que le professeur serait accessible à cette demande et qu'un véritable dialogue s'engagerait ? Ah, j'en suis tout à fait persuadé. Enfin, je crois que les professeurs seraient ravis, enfin, de telles entreprises. Et si vous voulez, c'est pas du tout intégré au système même d'enseignement. Ce serait très enrichissant, et pour le professeur et pour nous, si vous voulez, parce que ça créerait véritablement le contact souhaité. Mais en même temps, ça reste un travail marginal par rapport à ce qu'on demande, et on ne sera jamais sanctionné, si vous voulez, sur un travail de ce genre. Donc, on y consacrerait toujours qu'à temps tout à fait minimum. Et au cours de ces études, est-ce que vous pensez au métier que vous ferez, à votre orientation future ? Est-ce que ça vous inquiète ? Est-ce que vous savez sur quoi vous allez déboucher ? Ah, ça, le problème des débouchés, justement, si vous voulez, ça nous inquiète. Ça, je crois qu'il y a un grand problème d'information, enfin, donné parmi les étudiants. Parce que les problèmes des débouchés, si vous voulez, je ne sais pas si c'est par pudeur ou autre chose, mais on en parle peu. Or, on s'aperçoit en cours d'études que, justement, ce problème des débouchés est un problème absolument fondamental. Je pense, du moins, dans tout ce qui touche les sciences humaines. Tout à l'heure, on parlait à propos de l'anglais, c'est la même chose. Mais je prends les sciences humaines parce que c'est ce que je connais le mieux. Eh bien, là, le problème est capital, dans la mesure où on donne un enseignement qui est un enseignement théorique, qui donne certainement des bases, évidemment, qu'il faut avoir, dans une certaine mesure, du reste. Mais une fois qu'on a ces bases, on s'aperçoit, en psychologie, on a une licence ou une maîtrise, et on ne peut pas travailler. Pourquoi ? D'abord, parce qu'on n'a aucune qualification professionnelle, et là, ça pose le problème, justement, de cette qualification professionnelle qu'on devrait avoir en faculté. Mais d'autre part, et ça, c'est peut-être le plus important, c'est que il n'y a pas de débouché créé par le gouvernement. Là, ça, c'est un problème du gouvernement. Alors, si vous voulez, ce qui est grave, c'est que finalement, tout se répercute. Parce que, étant donné qu'il n'y a pas de débouché, qu'on ne veut pas en créer, on fait des études telles, alors on fait des réformes, si vous voulez, de façon à ce qu'il y ait le moins d'étudiants possible qui atteignent le niveau. Alors, ça donne des choses complètement aberrantes. Alors, on nous dit, on fait des mathématiques en première année de premier cycle, parce que pour faire de la recherche en sociologie, il faut avoir fait des mathématiques, et sinon, on ne peut pas appuyer effectivement et faire les recherches d'une manière approfondie. Et puis on s'aperçoit qu'il y a 10 places de chercheurs par an, ou 5 au CNRS, ou dans des organismes de ce genre. C'est-à-dire que finalement, on s'aperçoit que les mathématiques, d'abord, n'intéressent pas les étudiants. C'est un gros handicap, dans la mesure où, venant de disciplines littéraires, ils n'ont pas les bases suffisantes pour aborder d'emblée un niveau mathématique, et tout de même un niveau très élevé. Et puis finalement, ça ne leur sert à rien, parce qu'au niveau où ils seront obligés d'arrêter leurs études par le système d'examen qu'on ne peut pas redoubler, ils s'arrêteront au niveau du duel, enfin ils s'arrêteront, c'est-à-dire qu'on les mettra à la porte de la fac ou des choses de ce genre-là, ou même au niveau d'une licence, ou même au niveau d'une maîtrise, ils auront des emplois dans lesquels ça n'aura absolument aucun intérêt. Est-ce que c'est de tels problèmes que s'occupent vos syndicats étudiants ? Les syndicats s'occupent de ces problèmes, mais ils rencontrent assez peu d'adhésion dans le milieu étudiant. Il y a, je crois, 500 étudiants qui sont inscrits à l'UNEF. Il y a 50 militants qui donc travaillent, se réunissent et discutent de tous ces problèmes. Il y a le fait aussi que le syndicalisme est très morcelé et qu'au sein de l'UNEF, il y a des tas de tendances et que les gens ne s'entendent pas tellement sur les revendications à faire, sur les buts à poursuivre et quoi faire exactement. Est-ce que le travail dans ces syndicats est beaucoup plus centré sur des revendications partielles, immédiates, concernant un certain nombre d'avantages ou d'inconvénients de la vie étudiante, ou bien sur ces problèmes de fond ? Non, actuellement, les revendications sont portées beaucoup plus sur ces problèmes de fond. Il y a deux solutions, en fait, pour le syndicalisme. Il y a le corporatisme. C'est une solution, ce sont les problèmes immédiats, on essaye de les résoudre en fonction de ce qui les pose, des problèmes, c'est un peu au jour le jour. Et puis il y a, j'allais dire, le véritable syndicalisme. Non, il y a le syndicalisme tel que le fait l'UNEF, qui essaie de traiter des grands problèmes, des problèmes politiques, des problèmes de fond, et qui néglige les problèmes de base. Et il y a le syndicalisme tel qu'a essayé de le faire cette année la FNEF ici, faire du corporatisme, c'est-à-dire vendre des bouquins, assurer des polis et donner des avantages matériels immédiats. Alors, il est bien évident que ce qu'on a, on a critiqué l'année dernière beaucoup l'UNEF parce que au lieu d'aider les étudiants sur les problèmes immédiats, l'UNEF faisait de grandes campagnes pour des intérêts généraux. On a dit au lieu de faire des campagnes pour le Vietnam, on ferait mieux d'essayer de trouver des solutions à des problèmes immédiats. Il est certain qu'il y a peut-être une solution à trouver entre l'un et l'autre. Je ne dis pas au lieu d'eux, mais en même temps que faire une campagne pour le Vietnam, il serait peut-être bon de faire du corporatisme et ne pas faire que du corporatisme, mais essayer d'envisager l'avenir. Il y a peut-être une solution intermédiaire à trouver, mais il est certain que la plupart des syndicats, enfin les deux que l'on a, et les petites sous-classes, ne font que l'un ou l'autre, et n'essayent pas vraiment de concerner les gens. On n'arrive pas à concerner les gens. Soit on est dans une revendication politique totale, ou alors dans un intéressement politique total, avec d'un côté des avantages immédiats, et de l'autre côté l'absence d'avantages immédiats. Il y a peut-être un juste milieu à trouver. L'université doit être ouverte au monde, a-t-il été dit. L'université ne doit pas dispenser des connaissances inutiles. L'université doit préparer aux responsabilités sociales. La contestation ou la revendication semble d'autant plus forte que l'université et les universitaires ont voulu davantage s'ouvrir au changement. Jean-Pierre Hamer, vous partagez depuis 3 ans cette expérience de Nanterre. Comment interprétez-vous ces contradictions au reste très vivantes? L'avenir menace. L'angoisse existe chez les étudiants. Il suffit de discuter quelques instants avec des étudiants pour se rendre compte qu'aujourd'hui, leur avenir est mis en cause. Ils ne savent pas où ils vont et on objectera que leur vie est plus facile que la nôtre. Nous avons connu la guerre, la résistance et nous avons dû nous battre pour manger. Mais je crois que le raisonnement ne tient pas. Aujourd'hui, le grand problème est le problème de l'être. Nous vivons dans un système où tout est fait pour la consommation, où l'on fournit, où l'on lance sur le marché des objets toujours nouveaux. Mais je ne pense pas que le bonheur puisse être de consommer toujours davantage. Je crois au contraire que le bonheur n'est possible que dans de nouvelles relations humaines. Et c'est justement la raison pour laquelle je crois qu'il faut que cette expérience de Nanterre, qui est mise en cause par le nombre, soit revue. Que s'il y a échec, on en tire les conclusions et qu'on ne bâtisse plus de facultés trop grandes, qu'on ne remplisse plus les facultés, qu'on ne mette pas 12 000 étudiants les uns à côté des autres, qu'on crée au contraire des unités plus humaines, qu'on crée surtout beaucoup de nouvelles facultés. Il ne s'agit pas de restreindre le nombre des étudiants. Il s'agit de leur offrir un éventail de possibilités de plus en plus grand, de façon à ce que chacun puisse s'accomplir, que chacun puisse trouver l'enseignement qui lui correspond. Adieu joli Candy, c'est à Orly que finissent les vacances à Paris. Adieu joli Candy, une voix t'appelle, c'est l'heure déjà de t'en aller. Qui t'emmène vers l'Angleterre. Adieu, jolie Candy, tu m'écriras, tu le dis, mais on dit toujours ça. Adieu jolie Candy, je regretterai ton sourire et tes fautes de français. Mais cet avion te ramène en Angleterre. Adieu joli Candy, adieu joli Candy. Je deviendrai un souvenir, une photo de vacances. Adieu joli Candy, celui qui t'aime là-bas, il a bien de la chance. Adieu Candy, le rêve, pour tout producteur de radio, poser son micro quelque part et patienter. Ou ne pas patienter et solliciter la parole de celles et ceux qui n'ont peut-être a priori nulle envie de s'épancher, ou qui sait, bien au contraire, attendent ce moment-là depuis toujours. En mai-juin, la rue prendra la parole. Pour l'heure, la parole est en gare. Recherche de notre temps. Recherche de notre temps, La gare, par Harold Portnoy et Robert Valette. Troisième émission, Rencontre. Je verse un verre de vin. Donnez-nous un peu à boire. Donnez-vous à boire, c'est vous qui avez soif. C'est vous qui avez bu. C'est vous qui avez bu, non, c'est vous qui avez parlé, je peux dire. Il paraît que c'est un bon vin. Servez-vous plus généreusement. Là. Voilà. Votre santé. À la vôtre. Bien. C'est mieux. Très bien. Ah. Très bien. Mais figurez-vous, je suis venu à Paris pour faire fortune. Je voyais Paris sur les cartes postales en couleur comme ça. Hein? Et ça fait 20 ans que j'y suis. Et j'attends toujours la fortune, monsieur. Ah oui, je l'attends. Je joue même au tiercé et on me demande des fois si j'aurais pas mieux fait de rester à ma charrue. Comme, comment il s'appelle le Romain là? Cincinnatus, non? Oui. Hein? Oui. C'est lui? Oui. C'est tout. Bon, et je m'en vais. Allez, excusez-moi. Au revoir, merci. Hein. Au revoir. J'ai du Célestin. Vous avez du Célestin? J'ai du Célestin. Nous allons boire du Célestin. Vous voulez prendre un verre avec nous? Non, ce n'est pas le refus. Mais... Qu'est-ce que vous voulez boire? Alors, un demi, s'il vous plaît. Alors, un demi, s'il vous plaît. Un demi? Oui. Voilà. Non, mais tu comprends, c'est pas par hasard que dans les gares et dans certains endroits, il y a toujours il y a des distributeurs automatiques de bonbons, de gâteaux, il y a toujours des trucs où on bouffe, il y a des petits trucs roulants, il y a des buffets, il y a des trucs. Ce sont des espèces de lieux où quand on arrive immédiatement, un peu comme les gosses, on mange. Moi, je voudrais savoir pourquoi. Je pense que c'est parce que les gens n'ont rien d'autre à faire, mais enfin, c'est pas mon cas, si tu veux. Qu'est-ce que tu as à faire ici? Je suis venue vous regarder, vous écouter, vous voir travailler. Et qu'est-ce que tu en penses de ce que tu vois? Ok, vous allez essayer de me faire parler, hein, c'est incroyable. Tu peux parler la bouche pleine. C'est de la radio-vérité que vous voulez faire, en somme. Pourquoi de la radio-vérité? Je sais pas, je crois que on prend vraiment les gens sur le fait, sur dans leur vie, dans leur vie propre. C'est une vie propre, là, dans la gare? Bon, dites Robert, vous venez d'interpeller quelqu'un là qui n'a pas accepté d'être interviewé. Quelle impression ça vous fait? Je m'y suis vraisemblablement mal pris. Je l'ai abordé un peu de biais, un peu de côté, au lieu de l'aborder franchement de face. Et... Vous ne pouviez pas franchement de face parce qu'elle était en face du comptoir. Elle était en face du comptoir. Donc, elle a fallu passer de l'autre côté. Elle était en face de son demi-bière. Oui. Et elle a eu carrément peur. Enfin, elle a carrément sursauté. Elle a refusé. Sans doute aussi les femmes dans les gares sont sur leur garde. Enfin. Ah bon? Il me semble, enfin, d'après les deux ou trois qu'on a abordés. C'est aussi mon impression. Je crois que c'est le genre de personnage dont je parlais tout à l'heure qui refuse systématiquement. Elle est en même temps intriguée parce que, regardez là, nous sommes de l'autre côté du comptoir et elle regarde sans cesse de l'autre côté. Moi, ça me rend très mal à l'aise quand quelqu'un me refuse. Enfin, vous avez vu ce matin, c'est quoi, le deuxième ou troisième refus du côté féminin? Oui. Du côté masculin, aucun? Non. Aucun. Et elle continue à nous regarder. Si on essayait de la décrire, tous les trois. Oui, on peut essayer. Allez, Robert, allez-y. Elle a un manteau de cuir, noir. Elle est brune. Elle est brune. Elle a le visage assez lourd. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Le visage assez lourd. J'associe ça immédiatement à au demi de bière qu'elle est en train de boire. Elle est dans l'ampleur également. Elle continue à nous regarder. Elle s'en va. Elle prend son train, je sais pas. Ses cheveux étaient curieux aussi. Enfin, non, elle avait une forme de cheveux sur la tête qui avait l'air de retomber sur la tête, non? Enfin, les cheveux étaient ramenés de la nuque sur le front en bouclette. Ah mais ça me frappe ce que vous venez de dire. Elle avait le visage lourd et elle boit de la bière. Et toi, comment tu l'as perçu? Moi, j'ai aperçu à peu près pareil, mais je regrette qu'on n'ait pas pu l'apprendre, parce que je crois qu'on aurait appris des choses assez intéressantes. Je sais pas, c'est ce genre de femme, s'habiller en noir, ça peut... Ah oui, en manteau de cuir, oui. Un manteau aussi, de cuir noir, ça veut dire... Visiblement inquiète, enfin. Pourquoi tu as dit qu'on aurait appris des choses intéressantes? Qu'est-ce que tu voulais dire? Moi, j'aime bien faire des dissections de personnalité, comme ça. Des dissections de personnalité. C'est peut-être quelquefois indiscret. Mais qu'est-ce que ça veut dire, une dissection de personnalité? La plupart des personnes ne veulent jamais parler. Et on arrive toujours, plus ou moins, à les faire parler en prenant certains biais. Et on arrive petit à petit à mettre à nu la personnalité de la personne. Je trouve que c'est très intéressant, cette chose-là. Tu crois vraiment qu'on met à nu la personnalité de la personne? Non. Alors ça, qu'est-ce qu'on a servi des célébrités? On a servi pas mal, je sais pas. Moi, Paul Carton, oui, naturellement. Le dimanche, elle pourrait aider par ici. Il y a Raymond Boulot, il y a pas mal qui passe. L'autre jour, on a vu Pierre Mendès France, mais enfin, il a passé. Qu'est-ce qu'il a bu, Pierre Mendès France? Il a rien bu, il s'est pas arrêté. C'est toi qui l'as servi, tiens. Non, non, il a pas bu. Si, il était assis là-bas au fond. Par contre, au quartier Latin, j'ai servi pas mal de trucs, de gens, quoi. Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir. Attends, j'y vais. Ah, ils sont en train de me faire raconter ma vie. Là, bon. Puis alors, il y a un truc qui m'a frappé quand je travaillais comme garçon de café au quartier Latin, c'est que Bresson, il est venu tourner un film, là, le Pickpocket. Oui, oui. Alors, c'est là que j'ai vu Bresson, vraiment Bresson, qui est minutieux dans son truc. C'est quelque chose de fabuleux. Il m'avait mobilisé toute la terrasse avec ses rails, ses trucs et tout. Mais enfin, il m'avait payé, dédommagé. Mais alors, et après, j'avais appris que Bresson, c'était un gars qui était très minutieux dans son travail. C'est vrai ou pas vrai? Oh oui, oui, bien sûr. Et là, je m'en étais réellement aperçu, je dis vraiment. Vous permettez que je m'assoie à côté de vous, mademoiselle ou madame? Mademoiselle. Mademoiselle, il est 17h30, vous êtes à la gare de Lyon. Oui. Je peux vous demander ce que vous faites à la gare de Lyon? Oui, monsieur. J'attends l'heure du départ de mon train. Qui va où? À Auxy-Jouranville. Direction Montargis. Et vous habitez là-bas? Oui, mes parents sont là-bas. Vous travaillez? À Paris. Aujourd'hui, vous n'avez pas travaillé aujourd'hui? Si, jusqu'à 3h. Je peux vous demander ce que vous faites? Oui, je suis serveuse dans un salon de thé. Je peux vous demander quel âge vous avez? 20 ans. Vous travaillez depuis longtemps? Oui, depuis l'âge de 14 ans. En parlant d'autre chose, vous n'avez pas envie d'aller vers la Côte d'Azur ou la Grèce ou l'Italie? Oui, ça me dirait beaucoup. Oui. Et jamais vous l'avez fait? Non, jamais. Et pourquoi? Déjà, mes parents sont contre, et puis... Pourquoi ils sont contre? Ils sont sévères, vos parents? Oui, très. Ils exigent que je rentre toutes les semaines chez moi, et tout ça. Je me tape 2h30 de train, toujours, c'est... Que vous rentriez toutes les semaines, comment ça? Chez moi, tous les dimanches, il faut absolument tous les dimanches que je me rende chez moi. Je pourrais très bien rester à Paris, sortir à Paris ou n'importe. Et vous pouvez sortir en semaine quand même? Non, mais le dimanche, plutôt que d'aller chez moi, je pourrais rester à Paris. Les parents sont sévères ensemble le dimanche, mais en semaine, ils... Oh ben, en semaine vous vivez sans contrôle. De toute façon, en semaine, ils ne voient pas ce que je fais, alors ils ne sont pas derrière moi. Ça vous fait pas un peu rire, ça, ces parents qui sont, je veux dire, très sévères le dimanche, qui ne vous laissent pas faire ce que vous voulez? Oui. Et puis en semaine, vous faites au fond tout ce que vous voulez. Ah oui, ça, en semaine, je suis entièrement libre. Ils le savent? Ah oui. C'est-à-dire que... Oui, ils s'en doutent, tout du moins. Ils prennent ça comment? Au début, ils l'ont mal pris, maintenant, ils sont habitués. Ensemble, vous habitez à Paris, enfin, vous habitez, oui. Vous habitez toute seule. Oui, j'habite seule. Oui, alors, évidemment, enfin, vous êtes une fille de 20 ans qui habite à Paris et qui est libre toute la semaine. Voilà, c'est ça. Et le dimanche, les parents vous bouclent à la maison. Ah, oui. Oui, le dimanche, je suis bouclée. Ça vous fait rire? Ah, j'ai pas pleuré. Mademoiselle, vous êtes installée au buffet de la gare de Lyon. Vous avez un livre sur les genoux. Puis-je vous demander tout de suite ce que vous faites ici? Eh bien, je vais partir pour Fontainebleau, voir mes petits-parents que j'aime beaucoup. Je viens de me faire vider d'une grande maison. J'ai très peur de me faire attraper. Voilà. Vous venez de vous faire vider d'une maison où vous travaillez? Voilà. Et quoi? Je veux dire, ça s'est passé récemment, enfin. Ça s'est passé très récemment, oui. Je suis très embêtée parce que je me plaisais beaucoup dans ce que je faisais. Et si je suis renvoyée, c'est pour une question idiote. Et ça m'ennuie beaucoup de rentrer chez moi. Et vous vous sentez obligée de rentrer chez vous? Ah oui, je me sens obligée de rentrer chez moi parce que je dois quelques explications à mes parents. C'est tout. Le premier sentiment que vous exprimez, c'est cette espèce de gêne que vous avez à retourner chez vous pour... Exactement. Vous êtes coutumière du fait d'être vidée ou... Non, justement pas. Et c'est très inattendu. Sans vouloir être indiscret, qu'est-ce qui s'est passé, enfin, qui a fait... Vous semblez là prendre l'attitude d'une victime. Je suis assez coupable dans mon genre. Je me suis contentée de répondre un petit peu cavalièrement à une de mes supérieures, c'est tout. Et vous étiez dans quelle branche? Dans la branche vendeuse. Vendeuse dans une maison de luxe. Et c'est suffisant pour être vidé, comme vous dites? Oui, dans une maison de luxe, c'est suffisant. Surtout quand on est débutante et qu'on n'est pas dans la maison depuis très longtemps. Il y a quelque chose qui m'a frappé dans ce que vous avez dit tout à l'heure. Vous avez dit mes petits-parents. Oui. C'est un peu ironique. Parce qu'ils sont pas précisément petits. Buvez votre café, allez-y. Vous voulez que je vous dise que j'ai très soif? Non. Je souhaiterais que vous nous parliez de vos rapports avec vos parents. Eh bien, mes rapports avec mes parents sont quelquefois calmes, quelquefois tendus. Vous pouvez être très libre, vous savez, personne ne vous reconnaîtra jamais. Ah bon? Oui, non, bien sûr que non, c'est pas possible. C'est pas possible? Non. Mais j'ai un colonel de père qui est assez rigoriste. C'est pour ça que je crains un petit peu les premiers affrontements. Et une mère beaucoup plus douce. Qui fait tampon, non? Qui fait un peu le tampon, oui. Autrement, oui. Ce que je vous dis là n'a pas grand intérêt. Posez-moi des questions. Non, c'est intéressant, votre situation. Moi, je ne savais pas qu'un colonel répondait, enfin, à l'image du colonel, enfin. Pourquoi pas? Et c'est le cas de votre père. Absolument, oui. C'est le colonel dans toute sa splendeur, dans toute son horreur, comme vous voulez. Une goutte de chaque. Et ça se traduit comment dans la vie quotidienne ? Avec moi ou avec... Avec vous, bien sûr. Il n'y a que vous qui êtes très intéressante à cet instant précis. Pour nous, enfin, je vous connais vous. Je vous connais. Vous m'amusez beaucoup. C'est une des premières fois de ma vie qu'on me dit que je suis très intéressante. Ah bon ? Parce qu'on vous dit en général le contraire. Dans votre famille. On ne dit rien du tout. Buvez une gorgée de café au lait. Oui, j'ai très soif. Allez-y. Fumer une cigarette ? Oui, oui, fumer. Eh bien, quand je suis chez moi, je suis absolument pas libre. Mais par contre, sans aucun scrupule, il me laisse faire ce que je veux à Paris et je pourrais faire les 400 coups. J'en profite pas parce que j'ai suffisamment de principes pour ça. Mais enfin, je pourrais. Et qu'est-ce que vous rêveriez faire ? La peinture. La sculpture. J'aime beaucoup ça, je suis très passionnée par ça. Et quelqu'un vous empêche ? Mais oui, en fait, peindre, ça nourrit pas sa bonne femme. À moins de tomber sur le mécène, il faut énormément de temps, il faut beaucoup de matériel, de travail qui est assez coûteux. Il faut beaucoup de temps surtout. Alors le soir, quand je rentre, ou j'ai envie de me coucher, ou j'ai envie de voir des amis, mais j'ai pas envie de peindre. Et si on essayait de peindre avec des mots, là ? Vous pouvez, là, vous êtes face à la gare, essayer de donner une description, que je ne vous demande pas une description objective, enfin, de la gare, mais d'impression. Laissez-vous aller à vos impressions, là. Vous voulez que je me laisse aller à mes impressions ? Je vois partout du vert de gris. Toutes mes couleurs sont à base de gris. D'abord, une impression de vert de gris, enfin, de grisaille. De vert de gris, je dis bien de vert de gris, pas de grisaille, de vert de gris. Tout est vert de gris. Vous auriez à peindre cette impression. Ce sera du vert de gris. Et puis, cherchez un peu. Un soleil qui pâle comme le sourire d'un malade. On prend les stéréotypes. Pardon ? Non, je dis qu'on passe aux stéréotypes. Le soleil pâle comme un souvenir de malade. Oui ? C'est vrai, c'est un fait là. Vous avez déjà vu un malade quand il sourit ? C'est l'effet que vous fait le soleil en ce moment. Et puis, regardez, est-ce qu'il y a un détail ou quelque chose qui vous accroche ? Non, en ce moment, rien ne m'accroche. Que le vert de gris. Le vert de gris, ça m'a frappé quand je suis entrée. Quelquefois, c'est bleu. Quelquefois, c'est bleu-gris. Mais c'est surtout à la gare Saint-Lazare que c'est bleu-gris. Ici, c'est vert de gris. Et cette situation devant le micro, quelle impression elle vous donne ? Désagréable. Parce que c'est un corps étranger qui tombe dans mon ambiance. Vous croyez que vous êtes dans une ambiance à vous ici ? Non, précisément pas. Enfin, c'est-à-dire que j'y étais avant que vous veniez. Maintenant, je me sens beaucoup plus impersonnelle. Quelque chose qui a fait intrusion dans cette ambiance, justement, et qui a fendu cette impression de vert de gris que j'avais, qui était une espèce de brouillard, avec justement un sourire pâle. Là-dedans. Je vais vous demander, est-ce que vous vous complaisez dans ces ambiances un peu grises et un peu angoissées ? Ça dépend des jours. Quelquefois, j'aspire de m'en sortir et quelquefois, je m'y complais. Mais en général, quand je m'y complais, c'est pour en tirer quelque chose. Quoi ? Eh bien, une vue d'ensemble, un tableau, une image. En général, je m'y complais pas parce que c'est très mauvais pour ce que j'ai. Vous venez de dire c'est très mauvais pour... ce que j'ai. Alors vous allez me demander ce que j'ai. Eh bien, je fais de la neurasthénie chronique. Non, mais c'est vrai, j'ai l'air de vous dire ça en l'air, mais c'est vrai, c'est absolument vrai. J'aime bien dire ce que je pense aux gens que je connais pas. C'est l'histoire qui m'est arrivée. Je m'occupais d'enfants et j'étais nurse dans une famille à moitié suédoise, à moitié américaine. Et le petit bébé dont je m'occupais est mort sous mes yeux, étouffé dans ses draps. J'ai cru un moment que c'était de ma faute, parce que c'était moi qui m'en occupais, c'était moi qui en avais la responsabilité. Et c'est assez horrible, parce que je commençais à m'y attacher. Pour moi, ce bébé, je n'aimais pas beaucoup les enfants à ce moment-là, mais cette petite fille commençait à être pour moi autre chose que du caoutchouc mal cuit. C'est-à-dire qu'elle me reconnaissait, elle commençait à avoir des réactions. Elle avait 7 mois, ou 6 mois, 7 ou 6 mois. Elle commençait à avoir des réactions, elle commençait à me reconnaître. Elle commençait... Pour moi, c'était un petit peu une découverte. Je m'en occupais systématiquement, puis j'ai fini par m'y attacher. Elle n'était pas jolie pourtant, mais elle souriait très souvent. Et... Ça m'a fait un drôle d'effet de la découvrir comme ça, toute bleue, toute froide. Et d'annoncer aux parents aussi. Et de subir leur réaction, parce que apparemment, c'était... Les apparences étaient contre moi. Enfin, il s'est révélé que c'était absolument pas de ma faute. Une couleur. Bleu. Pourquoi ? Parce que... À cause du corps de la petite fille et, de, et surtout de, du contact de sa peau quand j'ai prise. C'était un peu comme de la glace. Voilà. Recherche de notre temps, les gares. Troisième émission, rencontre par Harold de Portnoy et Robert Valette. Réalisation Bernard Saxel. Première diffusion sur France Culture le 4 janvier 1968. Bien sûr, j'ai d'autres certitudes, j'ai d'autres habitudes. Et d'autres que toi sont venus les lèvres tendres, les mains nues, bien sûr. Bien sûr, j'ai murmuré leur nom, j'ai caressé leur front et j'ai partagé leur frisson. Mais d'aventure en aventure, de train en train, de port en port, jamais encore, je te le jure, je n'ai pu oublier ton corps. Mais d'aventure en aventure, de train en train, de port en port, je n'ai pu fermer ma blessure. Je t'aime encore, bien sûr, du soir au matin blême, depuis j'ai dit je t'aime. Et d'autres que toi sont venus marquer leurs dents sur ma peau nue, bien sûr. Bien sûr, pour trouver le repos, j'ai caressé leur peau. Elles m'ont même trouvé beau. Mais d'aventure en aventure, de train en train, de port en port, jamais encore, je te le jure, je n'ai pu oublier ton corps. Mais d'aventure en aventure, de train en train, de port en port, je n'ai pu fermer ma blessure. Je t'aime encore, bien sûr, j'ai joué de mes armes, j'ai joué de leurs larmes. Entre le bonsoir et l'adieu, souvent pour rien, souvent par jeu, bien sûr. Bien sûr, j'ai redit à mi-voix tous les mots que pour toi j'ai dit pour la première fois. Mais d'aventure en aventure, de train en train. C'était les années 60, aujourd'hui 1968, troisième émission. Archivina Annie Lozana, une émission de Philippe Garbi. Réalisation Virginie Mourté. À suivre, et d'ici là à télécharger ainsi que les précédents de la série sur le site franceculture.fr à la rubrique de l'émission.